أخذت طريقا ذا شوك، بمعنى هل أخذت طريقا فيه شوك؟ فأجاب الرجل نعم. فقال له أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فماذا صنعت؟ قال له عدلت وقصرت وبمعنى هو هرب من الشوك وانتبه إلى ثيابه وانتبه إلى جلده إلى لحمه انتبه. فقال له أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه تلك التقوى، هذه هي التقوى. ورمضان وهدفه ما هو إلا للتقوى؟ الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، اللهم ارزقنا التقوى. ولكن التقوى نعم هي التي تبعدك من الشيطان، تبعدك من المعاصي، وهي التي تبعدك من الذنوب، وتحافظك من هوى النفس، وتباعد بينك وبين الشر. ولكن إذن الخلاصة أنها تباعد بينك وبين جهنم. ولكن هل التقوى تدخلك الجنة؟ السؤال، اسألوا أنفسكم، هل التقوى تدخلك الجنة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أصحابه يقول لهم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فقالوا له ولا أنت يا رسول الله ولا أنا. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب وننتهي بهذه الجملة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويقول لهم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. الصحابة يتعجبون ويقولون له ولا أنت يا رسول الله، فيجيب المصطفى المعلم صلى الله عليه وسلم، معلم الأنام، معلم البشرية بأكملها، يجيبهم ويقول لهم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Donc en parlant de taqwa, on se remémore que Abu Huraira radiallahu anhu ardah, une personne est venue lui a posé la question et il lui a dit Ya Abu Huraira, ô toi compagnon du prophète Abu Huraira radiallahu anhu ardah, qu'est-ce que la taqwa? Il lui dit est-ce que tu as déjà pris un chemin où il y avait des épines? Il lui dit oui. Il lui dit qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit j'ai fait attention, j'ai esquivé, j'ai fait attention à mes habits, j'ai fait attention à ma viande, j'ai fait attention pour ne pas que je puisse être touché par les épines. Et Abu Huraira radiallahu anhu ardah dit tilka taqwa, c'est ça la taqwa. Quand vous ouvrez le Coran, la taqwa c'est traduit en tant que crainte, ou alors des fois c'est traduit en tant que piété. Mais crainte, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous les croyants. Donc ça s'adresse qu'à ceux qui ont la croyance et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un appel qui est adressé qu'à eux et seulement à eux. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum, protégez-vous, craignez, protégez-vous votre âme et votre famille. Pourquoi votre âme avant votre famille? Car si vous-même vous ne vous protégez pas, comment vous allez protéger votre famille? Qu anfusakum awwalan fa idha حفظتم على أنفسكم قد تساعدون على حفاظة أسركم من نار جهنم. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن نار جهنم في هذه الآية قال وقودها ليس العود، ليس الخشب، ليس الحطب، بل قال وقودها الناس والحجارة. فكيف حرارتها إذن؟ Et quand on médite un instant à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le combustible de ce feu-là, ce n'est pas le bois. Vous savez ce qui est dit dans le verset? Il est dit, son combustible, c'est les gens et la pierre. Prends une pierre et essaye de l'utiliser comme combustible ici. Est-ce que c'est possible sur terre? C'est pas possible, car le harara, le feu n'est pas assez fort. Mais en enfer, le feu il est tellement fort que même la pierre va servir de combustible. Et quand on parle de taqwa, on se pose une question. At-taqwa, c'est ce qui nous empêche de suivre Shaytan. C'est ce qui met, il interfère entre nous et Shaytan. Il interfère entre nous et les péchés. Il interfère entre nous et notre nefs. Si on veut schématiser, il nous empêche d'entrer en enfer. At-taqwa, si tu as taqwa, qu'est-ce que tu gagnes? Tu ne vas pas en enfer. Et pour avoir taqwa, tu fais deux choses qui sont vraiment simples. Un, tu appliques les ordres d'Allah. Et deux, tu t'interdis ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'interdit. Si tu fais ça, tu entres dans cette catégorie-là, ce sinf, hada sinf, min al-muttaqin, les gens qui se sont protégés. Mais maintenant que tu as fait ça, et que tu sais que tu ne vas pas entrer en enfer, alhamdulillah, et tu sais que de l'autre côté, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rahim, miséricordieux, Allah karim, Allah il est généreux, tu espères plus. Parce que tu sais que taqwa, ça va t'empêcher d'aller en enfer. Mais est-ce que ça va t'autoriser à rentrer au paradis? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne aux compagnons, il dit, personne n'entrera au paradis de par ses actions. Et les compagnons stupéfaits, ils posent la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui disant, voilà, anta ya Rasulallah, même toi ya Rasulallah. Et imaginez avec moi, quand les compagnons ils posent cette question-là, mettez devant vous les actions, les bonnes actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui 24 heures sur 24 il était en adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, wala ana, même moi, je n'entrerai pas au paradis de par mes actions. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala m'englobe de sa miséricorde et de son bienfait, je peux entrer au paradis. C'est-à-dire que taqwa ne nous permet pas d'entrer au paradis. Elle nous permet de nous évader de l'enfer. Mais maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que je dois faire moi pour rentrer au paradis? Inch'Allah, on répondra à ça. Alhamdulillah, alladhi anara li'ibadihi binourihi al-mustanir, thumma salatu wassalam ala liwa'il izzi wa'd-din, muhammadin al-sadiq al-wa'adil amin, Allahumma taqabbal minna al-siyam wal-qiyam. نواصل حيث توقفنا تكلمنا عن التقوى وقلنا أننا نريد أكثر من التقوى حيث أن التقوى هي التي تضمن لك ألا تدخل جهنم ولكن نحن لا نريد الحفاظ من نار جهنم فقط بل لما علمنا بأن الله عدل سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا ولما علمنا بأن فضله كبير أردنا أكثر من ذلك ماذا أردنا؟ أردنا الجنة وأردنا رضاه أردنا فوق الجنة أردنا رضا المولى سبحانه وتعالى ومن أراد الرحمة والفضل ورضا المولى سبحانه وتعالى عليه أن ينتقل من التقوى إلى درجة فوقها منزلة الرضا أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك رضي الله عنه ورضوا عنه وإذا أردت أن تدخل في تلك المنزلة منزلة الرضا عليك أن تكون من عباد الله الشاكرين وإذا أردت أن ترى العلاقة بين التقوى والشكر انظر ماذا قال المولى سبحانه وتعالى في كلامه في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله لعلكم تشكرون من عباده الشاكرين وحتى لما تكلم المولى سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله عن رمضان ولما تكلم عن نهاية رمضان ماذا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله العيد ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لعلكم تنالون تلك المنزلة العظيمة منزلة الرضا اللهم ارزق لنا أن نكون من عباده الشاكرين. Et donc si on veut plus que taqwa, parce qu'on a dit taqwa, c'est ce qui permet de faire entre nous et le mal quel qu'il soit une frontière, entre nous et le diable, entre nous et le nefs, l'âme bestiale qui est mauvaise, entre nous et l'enfer. Elle met une frontière et on s'éloigne et on s'évade de toutes ces choses qui sont maléfiques. Mais maintenant qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, Allah subhanahu wa ta'ala la yadhlimu rabbuka ahada, Allah il ne peut être injuste, Allah il n'est jamais injuste, il est toujours juste, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a eu un tama, on a voulu plus. Qu'est-ce qu'on a voulu? On a voulu le paradis, on a voulu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut monter d'un degré, plus que taqwa. Est-ce qu'il y a plus que taqwa? Bien sûr. Comment s'appelle ce niveau? Comment il s'appelle? Il s'appelle le niveau de la satisfaction. Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de toi. Mais pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de toi, il faut que toi, tu sois parmi ces adorateurs qui sont reconnaissants. Et pour être parmi les gens qui sont reconnaissants, tu vas faire trois choses. Trois choses qui sont vraiment simples. Si tu les fais, tu entres dans ces gens qui sont reconnaissants et automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Automatiquement, tu as la satisfaction d'Allah et automatiquement, si tu as la satisfaction d'Allah, tu rentres au paradis. فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَدْخُلَا مِنْ صِنْفِ الشَّاكِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الذين يشكرونه علينا أن نفعل ثلاثة أمور إذا فعلناها صرنا من عباده الشاكرين ورضي الله عنا ودخلنا الجنة. الأولى الأمر الأول أن تقابل النعمة بنية حسنة وباعتراف ضمني وباعتراف داخلي. إذا أتتك النعمة في نفسك تنظر إليها تقول هذه من نعم الله علي. فإذا أتاك ولد تقول الحمد لله في نفسك تقول الحمد لله الله أعطاني هذا ولدي هذه سيارتي هذا بيتي الحمد لله أنا على نعمة أنا على صحة أنا أصلي. كم من الناس الآن في المستشفى لا يمكن لهم أن يصلوا. كم من أناس الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الإيمان أو حرموا على أنفسهم الإيمان. الله يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تعترف هذه الخطوة الأولى أنك تعترف في داخلك فتنظر إلى النعمة تقول تعترف هذه نعمة ربي هذه الأولى. الثانية أن تقابل النعمة بذكر حسن. فإذا أتتك النعمة تكلم فمك ونطق لسانك فقال الحمد لله فقال الحمد لله أو قال الله كريم أو أخذت صديقك وقلت له انظر هذه من نعم الله. لسانك يتكلم أكثر من الاعتراف الداخلي هذا. فإذا اعترف لسانك وتحدث الناس بهذه النعمة كنت تدخل في الآية وأما بنعمة ربك فحدث. الدنيا نتحدث عنها، الكرة القدم نتحدث عنها، هل تحدثت عن نعم الله عليك؟ هل اعترفت؟ خذت أصدقائك مثلا أنت بين أصدقائك وقلت لهم والله الحمد لله أنا أحب الله سبحانه وتعالى حيث أعطاني الأولاد، أعطاني السيارة وأعطاني الصحة. أمامكم أشهدكم بأنني أحبه وبأنني أعترف بنعمه علي. أنك تقابل النعمة بذكر حسن. وأعلى مرتبة الشاكرين أنك تقابل النعمة ليس باعتراف داخلي وليس بذكر حسن بل أكثر من ذلك بعمل صالح. أنك لما رأيت هذه النعمة وعلمت بأنها من المولى أردت أن تشكر المولى بعمل، فسجدت سجدتي شكر، فصليت ركعتين لله سبحانه وتعالى، فتصدقت للمولى سبحانه وتعالى، فزرت جارك، فزرت المريض، فعلت الخير. لماذا؟ شكرا للمولى سبحانه وتعالى. وإذا فعلت ذلك صرت من عباده الشاكرين. لا يعلو عنك أو عن مستواك شاكر، أنت خير الشاكرين إذا فعلت ذلك. وإذا فعلت ذلك نلت رضا ربك ونلت الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. Maintenant la question qui se pose, moi je veux être parmi les adorateurs qui sont reconnaissants envers Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire trois choses. La première de ces choses, c'est quand le bien va venir à moi, je vais l'accueillir. L'accueillir avec quoi? Avec une reconnaissance interne, avec une reconnaissance dans mon intérieur, dans mon cœur. Je vais prendre le bien, je vais dire, ah, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé, il les a mentionnés dans le Coran, il a dit, ils ont des yeux mais ils sont aveugles, ils ont des oreilles mais ils sont sourds. C'est quels gens? C'est les gens, tu vas chez eux, tu lui parles, et il a une maison, il a une épouse, masha'Allah, il a des enfants, il est en bonne santé. Mais il te dit quoi? Il a un travail, il a tout ce qu'il faut. Et il dit, oh Allah, il m'a rien donné. Tu vas lui dire, oh shkallah, remercie Allah. Il va dire, pourquoi je vais remercier Dieu? J'ai ce que tout le monde a, j'ai rien de plus que les gens. Il est aveugle, il ne voit pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et donc la première chose à faire, si on veut être parmi les reconnaissants, le premier pas, c'est reconnaître le bien. C'est le reconnaître. Dès que tu le vois, ah, ça c'est un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le mal en apparence, sache que c'est un bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il te donne, c'est un bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous connaissiez l'invisible, vous auriez choisi ce qu'on a choisi pour vous. Si on vous donne les cartes, le choix A, B, C, tu aurais choisi le choix B, mais ben, sache que c'est le choix B qu'on t'a choisi. Donc le premier pas, c'est d'accepter le bien et de le reconnaître. Et de reconnaître qu'il vient d'Allah. Le deuxième pas, c'est de reconnaître le bienfait de Dieu, non pas par une reconnaissance seulement, mais plus que ça, avec une parole bénéfique, avec une parole positive, avec un dhikr, avec un rappel, avec une invocation. Quand tu vas avoir le bien, automatiquement, instinctivement, tu vas dire « Alhamdulillah ». Tu vas dire, donc c'est plus que, vous voyez que c'est plus que l'intérieur, là ça sort, c'est ça. Hein, c'est plus caché, là c'est vraiment, c'est quelque chose qui sort, et automatiquement, dès qu'on a le bienfait, on dit Alhamdulillah. Ou alors je dis, Allah il est généreux, il m'a donné cette chose là ou alors tu prends ton ami et tu lui dis, je te prends à témoin que Dieu il m'a donné toutes ces choses là et que moi j'accepte et je suis content et je suis heureux et je suis reconnaissant de tous ces biens sur moi. En faisant ça, tu entres dans la deuxième catégorie des shakirin, des gens reconnaissants. Mais si tu veux être le meilleur des meilleurs adorateurs qui sont reconnaissants, tu dois faire une chose, plus que la reconnaissance intérieure du cœur, plus que la parole, plus que ça encore, c'est quoi? C'est quand le bien te vient, أن تقابل النعمة بعمل صالح, que tu accueilles le bien avec une bonne action. Quand le bien, quand tu as un enfant, quand tu as eu une bonne note à l'examen, quand tu as réussi un examen, quand etc. Dès que tu as eu un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors tu veux le remercier pour ta bonne santé, eh bien tu fais sajdat al-shukr, tu fais deux prosternations de remerciement, tu fais deux unités de prière, tu dis pour remercier Allah, tu fais une sadaqa, tu fais une aumône à la mosquée, à un pauvre, à ton voisin, tu vas le visiter. Un malade, tu vas le visiter. Pourquoi? Tout ça, pourquoi? Pour remercier le bienfait qu'Allah il t'a fait. Et si tu fais ça, tu es le meilleur des reconnaissants. Le meilleur. Il n'y a personne qui peut devenir meilleur que toi, sauf s'il fait une action qui est meilleure que la tienne. وَلَمْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ خَيْرٌ مِنْكَ إِلَّا إِذَا كَانَ خَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْ خَيْرِكَ أَنْتَ وإذا كان فعله وعمله للخير أقوى من عملك أنت يصير هو أقوى منك أعلى مرتبة وكلما اجتهدت نلت العلو واقتربت وكلما علوت واجتهدت في الشكر تقربت من المولى سبحانه وتعالى ولكن بعد ذلك أهناك بعد ذلك؟ نعم أهناك مرتبة فوق هذه المرتبة؟ نعم هناك مرتبة بعض العلماء يسميها بمرتبة أو درجة محمد صلى الله عليه وسلم درجة محمد صلى الله عليه وسلم مستوى محمد صلى الله عليه وسلم درجة الإحسان مرتبة الإحسان وقد تفتح الكتب وتقرأ تعاريف كثيرة عن الإحسان ولكن لا يعلوها تعريف حبيبنا صلى الله عليه وسلم للإحسان حين قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك Ibn Ashir, lama wasala ila hadhihi qala wa ad-dinu dhi thalath khudh aqwa'urak. Bima'na ad-din thalathat umur, al-islam, al-iman wa al-ihsan. Anta ijtahid litanal ihda hadhihi thalatha. على قدر اجتهاد الإنسان، إما أن تكون من المسلمين فقط، إما أن تكون من المؤمنين، إما أن تكون من المحسنين. نطلب المولى سبحانه وتعالى أن نكون من المحسنين. Et maintenant qu'on est des gens reconnaissants, on veut être plus que ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un degré? Est-ce qu'il y a un niveau encore au-dessus de cela? Oui, bien sûr. Le niveau de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de l'ihsan. Al-ihsan, qu'on peut traduire comme étant la bienfaisance ou comme étant l'excellence. L'excellence. Et on peut lire beaucoup de définitions sur l'ihsan. Qu'est-ce que c'est que l'ihsan? On peut lire plein de définitions, mais personne ne peut ramener une meilleure définition que la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a défini l'ihsan et il a dit: Al-ihsan, c'est que tu adores ton Seigneur comme si toi tu le voyais. Et sache que si toi tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Et Ibn Ashir, dans sa poésie, il a dit quoi? Il a dit: et le din, la religion, elle est entre ces trois là. À toi maintenant de faire l'effort pour atteindre une de ces trois là. Quand il parle de trois, il parle de quoi? Il parle de l'islam. Parce qu'on on ne naît pas croyant. Tu nais musulman. Et ensuite, plus la foi l'augmente et tu acceptes les six piliers de la foi, ensuite tu es croyant. Et au-dessus de la croyance, al-ihsan. Ibn Ashir te dit maintenant à toi de faire l'effort pour atteindre un de ces trois niveaux: l'islam, l'iman ou l'ihsan. Il n'y a pas plus haut que l'ihsan. Al-ihsan, c'est que toi, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu sais que lui, il te voit. C'est comme si tu vis. Parce que en vrai, c'est pas juste l'adoration, mais c'est ta vie entière, 24 heures sur 24. Ton entrée dans ta maison, ton entrée dans les toilettes, la façon comment tu vas parler avec quelqu'un qui est au-dessus de toi, la façon comment tu vas parler avec quelqu'un qui est en dessous de toi, ton fils, ton voisin, quelqu'un qui n'est pas musulman. Quand tu es au supermarché dans le rayon où personne te voit, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Où que tu sois, tu sais qu'il y a une caméra qui est braquée sur toi. Et cet œil-là, c'est un œil qui ne se fatigue pas. Aïnou la tata'ab. Et c'est le témoin que tu ne peux réfuter. Shahidun la yarib wa shahidun tufradu alayna shahadatuhu. C'est le témoignage qu'on ne peut réfuter. C'est le témoignage qui ne peut se fatiguer. Et pour finir, en 5 points. Parce que si on dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous regarde, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous observe tous nos faits et tous nos gestes, ce qui est traduit par ar-raqabah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, vous ouvrez surat Nisa, premier verset: Inna Allah kana ala kulli shay'in raqiba. Allah, dans la traduction, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui observe tous faits et tous gestes. Et on va s'arrêter juste sur ce point-là de l'observation et on aura fini, Inch'Allah. Les observateurs, en vérité, pourquoi je dis les observateurs? Parce que les observateurs, il n'y en a pas qu'un. في الحقيقة المراقبون ليس رقيب واحد. Allah subhanahu wa ta'ala, نعم, هو الرقيب الذي يراقبنا آناء الليل وأطراف النهار ولكن ليس هو الوحيد الذي يراقبنا. Vous avez vu quand on était à l'école, quand il y avait un seul professeur, c'est possible qu'on faisait des bêtises. Mais avec 5 professeurs dans la classe, c'est possible, tu fais des bêtises? Tu peux pas faire des bêtises quand il y a 5 profs. Un professeur, c'est possible. 2, c'est difficile. 5, c'est possible? C'est impossible. Eh bien, sache que tu as 5 observateurs qui t'observent. Le premier, Al-Malik al-Dayyan, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi shahida. Son témoignage suffit. Lui-même suffit comme observateur. Mais il a voulu, hikmatuhu, par sa sagesse, qu'il y ait d'autres observateurs. Peut-être que l'être humain, en voyant plusieurs observateurs, ça y est, il aura honte de faire des bêtises. L'être humain, quand il va savoir qu'il a 5 observateurs, qu'il ne le lâche pas d'une semaine, qu'il le regarde matin, midi, soir, peut-être qu'il va avoir honte de faire des bêtises. Peut-être qu'il aura honte de faire des péchés. Le premier observateur, Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. C'est lui qui sait ce qui se cache dans l'œil avant même. Vous voyez, quand la personne elle ferme légèrement son œil, l'idée n'a même pas encore germé, elle est encore juste à son œil. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît déjà l'idée. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, et ce que cachent les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier. Ensuite, le deuxième observateur, الرقيب الثاني أو الرقابة الثانية للملائكة. الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Chaque parole qu'il dira, il aura un ange qui l'écrit, qui écrira. Si c'est du bien, ça sera l'ange de la droite. Et si c'est du mal, ça sera l'ange de la gauche. Ibn al-Qayyim, il écrit que chaque être humain a 21 anges qui l'observent. Ibn al-Qayyim, il dit que l'être humain, il a 21 anges qui l'observent, un pour chaque membre. Il est plus connu, celui de la droite et celui de la gauche. Et quand tu médites un instant, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu mélanger les bonnes actions. Il n'a pas voulu mélanger les bonnes actions avec les mauvaises actions. Vous voyez que l'odeur et de l'action dont elle découle, les mauvaises actions qui seront rapportées par l'ange de la gauche. Ensuite, et là je vais vous surprendre, le prochain observateur, الرقابة الأولى للملك الديان سبحانه وتعالى يراقبنا في كل وقت وفي كل حين والرقابة الثانية للملائكة. ابن القيم يذكر بأن لكل ابن آدم 21 ملائكة يراقبونه ملك لكل عضو. وبعدها سأفاجئكم الرقابة الثالثة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول لقائل النبي صلى الله عليه وسلم مدفون الآن، كيف تقول لي هو يراقبنا؟ انظر الله سبحانه وتعالى يقول quelqu'un dit oui mais le prophète صلى الله عليه وسلم il est enterré, comment il va nous observer tous nos faits, nos gestes, c'est pas possible ce que tu me dis. Écoute ce que Allah سبحانه وتعالى il a dit dans sourate al-Baqara. Il a dit وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول شهيد، الرسول شهيد. الآن سيروا معي وسيروا ورائي وتخيلوا معي، هل يمكن للشاهد أن ينطق بلا علم بما لا علم له؟ لا يمكن، مستحيل. مستحيل أن تذهب إلى المحكمة وتقول أنا شاهد عيان ويقول لك ماذا رأيت وماذا سمعت وماذا وصل لك، فتقول لا ما عندي علم. ممكن هذه؟ لا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما شهدنا إلا بما علمنا. فإذا عدم العلم، إذا شهادة زور هذه ليست شهادة مقبولة. لتكون شهادة مقبولة عليها أن يكون فيها علم ودراية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع ابن العباس ويقول أترى الشمس؟ فيقول له نعم. فقال له لمثل هذا فاشهد أو دع. بماذا؟ إذا كان الأمر واضحا كوضوح الشمس فاشهد وإلا فاسكت. إذا سمعت شيئا ولم تسمعه جيدا، رأيت شيئا ولكن لم تره جيدا، أسكت. لم ترى شيئا ولا أنت لا تعرف شيء، ولكن إذا علمت كما ينبغي الآن تكلم وكن أنت شاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهد. وأعطيكم أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض علي صلاتكم. أنت لما تصلي على النبي، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير صورة للصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أشكال وأنواع، وخير صورتها وخير أشكالها أنك تصلي كما جاء في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فإذا فعلت ذلك صليت على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك، يقول لك: إذا صليت عليه تلك الصلاة تصل إليك، تعرض علي صلاتك. فإذا هو في قبره وتعرض عليه الصلوات، وأكثر من ذلك تعرض عليه أعمال العباد، فيقول: فلان ابن فلان فعل خيرا. ونحن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون لما يصل إليه هذا الخبر، إلا الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يفرح، يقال له: فلان ابن فلان فعل خيرا، يفرح صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قيل له فلان ابن فلان ارتكب شرا، ماذا ما كيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون حاله؟ الحزن. وتخيل معي أنك إذا فعلت شرا، وإذا ارتكبت جريمة أو كذبا أو ظلمت أحدا، ماذا يقع؟ تحزن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant le troisième observateur c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un va me dire: oui mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a enterré, comment il est observateur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit dans le hadith: tu'aradu alayhi salatukum, votre prière me parvient. Quelle prière? Quand tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celle que je viens d'évoquer, celle qu'on dit à la fin de la prière, quand vous la faites, sachez qu'elle parvient au prophète sallallahu alayhi wa sallam en direct. À ce moment même on lui dit: un tel, fils d'un tel, il vient de prier sur toi. Et on sait que le témoignage, il a été dit dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est témoin de la communauté, il est témoin de tout à chacun de la communauté, de chaque personne de la communauté. Est-ce que c'est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il puisse être témoin d'une chose qu'il n'a pas connaissance? C'est pas possible. Et vous, quand il aura connaissance, c'est pas possible. Il ne peut être, avoir cette connaissance qu'en direct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il attrape Ibn al-Abbas et lui dit: tu vois le soleil? Il lui dit: oui. Il lui dit: d'une chose qui est aussi claire tu seras témoin, ou alors tu te retiens. Ça veut dire une chose tu l'as bien vue, tu l'as bien entendue, tu es sûr, dans ce cas là tu te portes témoin. Mais si jamais une chose tu es pas sûr, c'est un tel qui t'a dit, d'un tel qui t'a dit, d'un tel, tu ne prends pas ce témoignage là ainsi de suite. Maintenant, quand je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a connaissance de chaque action de bien, on lui dit: fils d'un tel, un tel fils d'un tel, il a fait une bonne action. Comment il va être le connaissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il sera content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne veut que le bien pour sa communauté, pour toute sa communauté. Et vice versa, le contraire, si on lui annonce: un tel fils d'un tel, il a fait un mal, comment il sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il sera triste. Sache que quand tu fais un mal, tu attristes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tous là maintenant dans la salle, on a tous la même atmosphère dans notre, on a tous le même ressenti dans notre cœur, on dit: ah, c'est pas bien. Et bien sache que ce respect là qu'on doit avoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit avoir un respect encore plus grand pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas prendre les choses à l'envers, de dire: ah, ça m'attriste que tu me dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au courant de mes méfaits. Mais normalement le fait que je te dis que Allah subhanahu wa ta'ala est au courant, ça doit t'attrister encore plus. Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, il a des élèves, on lui dit que parmi ses élèves il y a un élève qui yurtimu al-Qur'an fi laylatin wahida, il finit le Qur'an en une seule nuit. Il le convoque, fayatlubuhu wa yaqul lahu: قيل لي بأنك تختم القرآن في ليلة واحدة، هل هذا صحيح؟ Il lui pose la question. On m'a dit que tu finis le Coran en une nuit, c'est vrai? Il lui dit oui. Il lui dit: je veux que cette nuit, quand tu vas prier, je veux que tu t'imagines que moi, ton professeur, je suis derrière toi et j'écoute ce que tu lis. Et le lendemain matin, il reconvoque. Il lui dit: alors, combien tu as pu lire? Il a dit: je n'ai pas pu lire tout le Coran. Vous imaginez, la personne a fait attention à Maharij, les Horof, la sortie des lettres, il a médité, il a fait attention de ne pas se tromper derrière son, devant son professeur, etc. Il a été pris par l'émotion. Et combien tu as pu lire? Je n'ai pu lire que la moitié. Il lui dit: je veux que demain, tu t'imagines que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est derrière toi. Et il prie. Il prie. Le lendemain, il lui dit: alors combien tu as pu lire? Il lui dit: je n'ai pu lire que le Fatiha avec deux chapitres. Et il pleurait, etc. Il était pris par l'émotion. Et je veux que demain, il lui dit, hein, je veux que demain, non pas tu t'imagines, mais je veux que tu aies la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il vit avec toi ce moment et il est avec toi. Et le lendemain, quand il le convoque, il lui pose la question, avant même qu'il réponde, il est déjà en sanglots parce qu'il sait la question qu'il va lui poser. Combien tu as pu lire? Il lui dit, à peine j'ai pu sortir de Surat al-Fatiha et j'ai pu lire 2-3 versets. C'est ça les choses, il faut les prendre droit. Donc moi, quand je te dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au courant des bonnes actions et des mauvaises actions, ça doit t'attrister, mais plus que ça, ça doit encore t'emmener à respecter Allah subhanahu wa ta'ala, plus que le respect que tu dois avoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-riqabatu al-rabi'a lil-mu'minin. Al-riqabatu al-rabi'a lil-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس. ورد بأن النبي نوح عليه السلام سيأتي أمام الله سبحانه وتعالى بين يديه ويسأله المولى سبحانه وتعالى عن صنعه وصنيعه وعن مهمته هل فعلها كما ينبغي. فيجيب نوح عليه السلام ويقول له نعم. فيسأله المولى سبحانه وتعالى وهو في مكانة الملك وفي مكانة الجوج غابت عن الكلمة الجوج الحاكم. فيكون المولى سبحانه وتعالى في مكانة الحاكم وليس في مكانة الشاهد. فيقول له من يشهد لك بأنك كنت من فعلت أعمال الخير ودعيت الناس ودعوت الناس إلى خير. فقال فيجيب نوح عليه السلام نبينا نوح عليه السلام يجيب ويقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكونوا أنتم شهداء على الناس. قد يتساءل سأل كيف تشهد أنت ولم تتعايش مع نبينا نوح عليه السلام ولم تكن في زمانه كيف تشاهد؟ لأنك كذبت العين وصدقت كلام الله وضعت كلام الله فوق شهادة عينيك. Le quatrième témoin, c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est comme ça qu'on vous a fait, vous, la communauté de Muhammad, la communauté du juste milieu. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, pour que vous soyez, vous, témoins des gens. Nuh alayhi salam, il va arriver devant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, en sa qualité de juge, il va lui dire, est-ce que tu as fait ta mission en tant que prophète? Et lui, il va dire oui. Il va répondre par l'affirmative. Et il va lui dire, qui sont tes témoins? Et il va répondre, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car nous avons démenti l'œil, notre œil, il n'a pas vécu avec Sayyidina Nuh. On n'a pas vu Nuh se balader entre les gens et leur faire da'wah, toquer entre les portes, toquer chez les gens, parler. On n'a pas vu toutes ces choses-là. Mais on a démenti l'œil et on a valorisé et on a donné la véracité à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On croit plus à le Coran que notre œil qui est d'entre nous, hein, notre œil qui fait partie intégrante de notre personne. Et on finit avec ce hadith. النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين وجنازة تمر بين أيديهم والناس يتكلمون. وجاء في الحديث أثنى الناس بها خيرا. الناس تكلموا عن الميت خيرا. فقال كانوا ينظرون إليه هذا إنسان طيب دائما في الصف الأول في المسجد. وكأنهم قالوا هذا رجل طيب زارني مرة وواحد مرة تحت أمبان وجاي يساعدني 50 كيلو مثلا أو أنا أراه دائما يتصدق عن الناس تكلموا عنه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ومرت جنازة أخرى وأثنى جاء في عبارة الحديث وأثنى الناس بها شرا. الناس تكلموا عنه شرا كأنهم نظروا إليه وقال هذا فلان ما رأيناه في المسجد أو قالوا عن مثلا هذا دائما كان في البار دائما كان يشرب الخمر الله يهدينا جميعا أو كانوا يقول هذا دائما كان يعمل لنا في مشاكل في المسجد فتن ما كان يترك فرصة وإلا كان يفتن بيننا كان يتكلم كثيرا كان وهلم جرى الناس تكلموا عنه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فجاء إليه عمر رضي الله عنه وسأله ما التي وجبت وما الذي وجبت؟ قال له أما في الأولى وجبت شهادة المؤمنين له فوجبت عليه الجنة. الله سبحانه وتعالى يقبل شهادة المؤمنين إذا شهدوا له بالخير، الله سبحانه وتعالى يجب عليه الجنة، يدخله الجنة. والعكس كذلك، ما التي وجبت في الأولى في الجنازة الثانية وجبت عليه جهنم لشهادة المؤمنين له. والرقابة الأخيرة، donc l'histoire pour bien affirmer que le quatrième observateur c'est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un décès qu'il passe, il y a une personne, une janaza, avant la prière, vous voyez quand ils prennent le mort, le décédé, ils l'ont fait passer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lui les gens, et les gens ils ont été pris par leurs émotions, ils ont dit du bien sur lui, comme s'ils ont vu le mort, ils ont dit ah c'est un tel, Allah yarhamou, c'était quelqu'un de bien. Une fois je suis tombé en panne, il m'a aidé. Une fois il m'a prêté 200 euros. Une fois on le voyait tout le temps en premier rang de la mosquée, jamais tu l'entends parler. Masha'Allah, un comportement tel le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils ont bien parlé sur lui, ils ont dit des choses de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit elle est obligée pour lui, obligatoire. La deuxième janaza elle est passée, la même, une janaza qui vient juste après au même moment, et les gens ils ont été pris par leurs émotions, ils ont dit ah oui c'est un tel, mais on l'a jamais vu à la mosquée. Ils ont commencé à parler en mal de lui. Ah c'est qui? Ah, mais je le connais pas, il est jamais venu à la mosquée, vous êtes sûr qu'il est de notre ville? Ou alors mais lui quand il venait à la mosquée il faisait que des problèmes. Ou alors lui quand nous priait lui il parlait à voix haute, il nous gênait. Ou alors lui on ne lui connaît pas une action de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wajabat, obligatoire. Sayyiduna Omar radiallahu anhu il vient le voir, il lui dit qu'est-ce qui est obligatoire ya Rasulallah? Il lui dit elle est obligatoire pour lui, le témoignage des musulmans, des croyants, il est obligatoire pour lui. Pour le premier il est obligatoire le paradis, et pour le second il est obligatoire l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous fasse entrer au paradis tous. Et le dernier observateur, on finit avec ça inshallah, on fait le dua et je vous remercie d'avoir patienté. Ibtalakum Allahu bil yawm sabaram isbiru ma'a Allah yajzikum khayra ash-shiriq. Al-riqabatu al-khamisa li nafsik. Le dernier observateur c'est toi-même, c'est ton âme. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala dit al-yawma nakhtimu ala afwahihim la tukallimuna al-yawma nakhtimu ala afwahihim la tukallimuna afwahihim لن يتكلموا. انظر الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا قدرة الكلام هو الذي سيفقدك إياها أنذاك. وما الذي يتكلم إذن؟ ومن الذي يتكلم إذن؟ تتكلم أيديك، فالله سبحانه وتعالى تكلمون أيديه وتشهد أرجله، تتكلم اليد فتقول أنا ظلمت، أنا سرقت، أنا ارتكبت الحرام، وتشهد أرجل الرجل تتكلم وتقول أنا ذهبت إلى المكان الفلاني وأنا أشهد كان مع فلان ابن فلان ونوي الشر أو نوى الشر، جميعا اجتمعوا على الشر واجتمعوا على الحرام وعلى المنكرات وفعلوا، تشهد الأرجل. قد يتفاجأ الإنسان ويقول وكيف للجلود وكيف للأيدي والأرجل أن تتكلم؟ الأيدي لا تتكلم. الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في القرآن فقال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الإنسان يتكلم مع جلدته، يتكلم مع يده ورجله وأعضائه ويقول لما شهدتم علينا، فتجيب الجلود تجيب وتقول قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وانظر وتأمل معي، ليس للجلد وللأعضاء أن ينصحوك الآن حيث أنهم لا يتكلمون الآن، كيف لهم؟ هل سمعت يوما اليد تقول لك اتق الله؟ لا يمكن في هذه الدنيا. ولكن الذي عنده القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن، اعلم بأن جلدك قد نبه عليك وقد نبه لك وقد نصحك، هذا في القرآن. الله سبحانه بعدها يقول قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء واسمع نصيحة جلدك لك قال لك جلدك يتكلم معك ويقول وهو خلقكم أو وهو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون حتى جلدك نصحك ألا تنبه نفسك الآن إذا علمت بأن المراقبين خمس اتق الله وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Donc le cinquième observateur, c'est نفسك التي بين جنبيك ton âme qui est elle-même qui fait partie intégrante de la personne ton âme et on finit avec ça Allah subhanahu wa ta'ala ton corps ton âme Allah subhanahu wa ta'ala il nous rapporte deux témoignages le premier témoignage aujourd'hui on fermera leur bouche ils n'auront pas la capacité de parler et leurs mains ils parleront la main va dire j'ai volé j'ai fait le haram j'ai été injuste envers un tel etc et les pieds témoigneront on a été à tel endroit il était avec telle personne et ils se sont arrangés pour tel mal et dans la table il y avait telle chose et telle chose et telle chose. J'ai entendu ils ont dit la personne a dit oh quelqu'un pourrait m'arrêter et me dire mais comment respecte notre intelligence la main ne peut pas parler le pied ne peut pas parler sache que cette surprise là même que tu m'interromps avec sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a répondu à cette question dans le Coran et il a dit dans le Coran ce dialogue là entre la personne et ses organes vitaux et sa peau la personne elle parlera avec sa peau et je vous retranscris ce qu'il est dit dans le Coran وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ et ils diront à leur peau mais ce qui est voulu par leur peau c'est tous les organes etc لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا pourquoi vous avez témoigné contre nous et regardez les réponses de la peau la réponse de la peau elle dira أَنْطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ celui qui t'a donné le pouvoir de parler c'est lui-même qui m'a donné à moi le pouvoir de parler Et la peau qui aujourd'hui, elle ne peut pas, elle te conseille. La peau aujourd'hui, elle ne peut pas te dire « Ittaqillah, ne fais pas le haram. » Le pied, il ne peut pas s'arrêter et te dire « Non, ne fais pas le haram. » Sache qu'en vérité, il t'a conseillé à travers le Coran. Juste après, dans ce même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rapporte le conseil de notre corps à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il nous dit notre corps ? Notre corps nous dit « Wa huwa alladhi khalaqakum » C'est lui-même qui vous a créé la première fois. Parce qu'il y aura une seconde fois. Tu seras enterré, la terre va te manger, et Allah subhanahu wa ta'ala va te recréer une deuxième fois. C'est lui qui vous a créé la première fois, wa ilayhi turja'un, et vers lui vous retournez. Maintenant, chaque personne, quand elle sait qu'elle a cinq observateurs, si le premier observateur ne suffit pas, cinq suffiront, inshallah. Cinq observateurs suffiront entre lui et le haram pour parvenir au moins à notre premier niveau qu'on avait évoqué, à taqwa, et le second niveau qu'on avait évoqué, celui des reconnaissants, manzilat al-rida, le niveau des gens qui ont la satisfaction d'Allah, qui sont autres que les gens qui sont reconnaissants. Si tu es reconnaissant, tu as la satisfaction d'Allah. Et le dernier niveau qu'on a évoqué, al-ihsan, le niveau de l'ihsan, ceux qui ont le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de la bienfaisance et de l'excellence. Tout ce qu'ils font, ils font avec excellence parce qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, al-muhsin, subhanahu wa ta'ala, qui nous a tout donné les bienfaits, il le regarde, il nous regarde et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on va faire du'a inshallah maintenant. Et moi, donc je ne suis pas un cheikh, je ne suis pas autre, mais je suis juste un étudiant. Je vous demande du'a inshallah pour moi et pour ma femme. Barakallahu fikoum. Et donc je vous remercie pour cette invitation. Je crois que vous m'avez dit de l'aide. Mashallah, je suis un arifou, le hakim, le régi, كإمام وكمقرئ جيد فهو حصل على أربع إجازات في القرآن الكريم في ورش وحفص فجأني في حقيقة أنه محاضر بارع وأنا أعرفه منذ كان عمره 12 عاما كان يحفظ آنذاك 20 حزبا تقريبا وحفظ القرآن وهو في سن 15 سنة على يد والده محمد الرشي حفظه الله فأنا أمامكم وأطلبه أن يتحفنا مسكو ختام أن يقرأنا بعض الآيات بينات من الذكر الحكيم واختمنا إن شاء الله إذا لم يكون هذا كمال داعي الله يجزيكم خير